Non, pardon. Youpi. Je suis dispersée. Les petites annonces du jour, mes très chers amis, d'accord, il y en a plusieurs, même au nombre de 3 pour le moment. Donc première petite annonce, c'est que ce soir à 20h, il y a une partie de Radio Pel qui va passer en fait sur Radio Vostok. Voilà, c'est incroyable, non ? Radio Vostok fait des invitations régulièrement à d'autres radios. Et ils nous ont contactés cette semaine pour le kiff. Hein. Donc en fait, on a envoyé une petite présentation de la radio ainsi qu'une partie, un extrait du partage d'écoute de Mohamed Ali, El Taïef et de Lamine Fofana qui sont passés dimanche dernier. Donc voilà, merci à vous Radio Vostok. Gros bisous sur vos micros. Et autre petite annonce, il y a l'atelier Cornemuse demain de 10h à 18h. Inscrivez-vous par pitié, ça va être super. On est en train de concocter tout ça, ça joue déjà et ça fait pouet-pouet dans les coins. C'est trop beau, n'est-ce pas ? C'est super. Donc venez, c'est gratos. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. It's free. Oh, et c'est gratuit. Voilà. Et on fera des pauses au milieu pour manger quand même. Enfin, ça va être chill, hein, vous inquiétez pas. On va aussi kiffer le soleil parce qu'on aime ça comme vous. Hein. Il y aura une déambulation, non ? Il y aura une déambulation. Exactement. Ou un technival. Ouais, ou un gros technimuse dans. On va voir, on va créer tout ça ensemble. Mais effectivement, le but, c'est de fabriquer des cornemuses en roseau, en canne de Provence qui arrivent fraîchement, qui sont dans le train actuellement et qui arrivent de Marseille. Oui. Oh là là. Et créer des poches avec des ballons de baudruche. On va assembler tout ça, essayer ça de s'accorder, apprendre à jouer. Oui, c'est vrai que c'est pas du local, mais enfin, vous avez qu'à faire pousser des cannes de Provence en Suisse. Merde. Je suis pas fâchée. La dernière petite annonce du jour, c'est que Jeanne 7 SE2T joue demain de minuit à 1h au RKC de Vevey. Vous êtes tous invités. Et donc tu vas nous quitter demain en fait. Et je vais vous quitter demain et je serai là sûrement dimanche dans un état on ne sait pas lequel encore. Mais en joyeux. Tout cas, vous êtes du coup tous invités à venir faire la fête à Vevey. Et non, surtout ce serait l'after en fait du festival. Voilà. Voilà, c'est l'after unofficial. Donc nous serons contents. RKC. Elle cherche aussi un sampler. Et ouais, ah, c'est vrai. On t'a toujours pas amené ça. Est-ce que je peux avoir le mini jack, s'il vous plaît ? Comment ? Oui, bien sûr. Alors, mais comment est-ce que tu imagines ce sampler ? Alors, j'imagine ce combien sampler. Combien de boutons ? Combien de... Bah là, dans la vision là que j'en ai, ce serait un truc avec un petit écran quand même pour voir quel sample je balance et des gros boutons. Couleur ou... Couleur, non, n'importe quelle couleur, je prends tout là. Non, là, mais l'écran plutôt couleur ou... Ah non, l'écran non, plutôt okay. Vintage. D'accord, vintage. Et puis avec des gros boutons pour pouvoir appuyer sur mes samples et si possible des petits potards que je peux tourner pour faire des petits effets un peu de pitch. Un peu, tu vois, ralenti, accéléré, un peu. Aussi, si je peux cliquer plusieurs fois, tu vois, genre, imaginons, archipel, j'appuie, ça fait archipel, tu vois. Oh. Tu vois, et j'ai cliqué en même temps sur ma main pour avoir le rythme. Bah oui, mais il te faut une Electribe, en fait, de Korg. Donc, si quelqu'un peut lui amener une Electribe... Ah bah, merci. Enfin, je... C'est peut-être... Je pense que ça tirait vraiment très, très bien MPC de jouer de l'Electribe. Ou non. Ouais, MPC, ouais. C'est quand même... Ah, je sais pas, c'est une c'est autre un ambiance. C'est un peu typé, quoi. Je trouve... c'est un peu typé Upground. Ah, oui. Et puis Electribe, c'est quand même plus Underground. You know. Dans quel ground veux-tu te situer ? Alors moi, je suis un peu entre les deux mondes, tu vois, mais je crois qu'on me situe... Non, je sais pas. Bref, je me tais là. Je...